Le travail de Chaim Soutine a été le catalyseur de la vocation de collectionneur de Perlman. Et il a acquis, au fur et à mesure, un large échantillon du travail de l'artiste qui couvre la totalité des sujets abordés par le peintre. Nature morte, paysage, portrait, y compris ce rare autoportrait de Soutine. C'est l'un des trois autoportraits réalisés par Soutine au cours de sa vie, tous ayant été peints entre 1918 et 1923. Les deux autres sont dans des tons plus sombres et représentent l'artiste sans aucun de ses attributs. Ce portrait est unique, dans la mesure où il a choisi de se représenter devant un chevalet, les yeux rivés sur son sujet et prêt à apposer le pinceau sur la toile.